Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. C'est selon la légende historique à cette phrase d'un texte sacré de l'hindouisme que pensa le physicien Robert Oppenheimer le 16 juillet 1945 devant le spectacle de l'explosion de la première bombe atomique dans un désert du Nouveau-Mexique. Trois semaines plus tard, les États-Unis larguaient la bombe A sur Hiroshima, tuant instantanément 80 000 personnes, plus des dizaines de milliers d'autres dans les semaines, les mois et les années suivantes. Cette histoire, c'est l'histoire du projet Manhattan ou comment les plus grands physiciens de leur temps ont engagé les États-Unis dans la course à la bombe. Projet Manhattan et l'humanité touche à sa fin. C'est le programme funeste qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, pour évoquer cette histoire qui est une histoire de science, de guerre et évidemment de mort, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Dominique Mongin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, enseignant à l'École normale supérieure et à l'INALCO, auteur, co-auteur de cet ouvrage collectif Résistance et dissuasion des origines du programme nucléaire français à nos jours, donc avec Céline Jurgensen, c'est aux éditions Odile Jacob. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Joël Poutaz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien nucléaire, historien des sciences, chercheur émérite CNRS au laboratoire de physique corpusculaire de l'ENSI à Caen. Vous pouvez suivre cette émission comme tous les jours en direct sur les ondes, en différé sur franceculture.fr, en podcast via votre application favorite, mais en complément via notre fil Twitter @laméthodefc où nous allons poster comme chaque jour un certain nombre de liens et de compléments d'informations vis-à-vis des propos qui vont être tenus à ce micro. Alors, je le disais, les 6 et 9 août 1945, les deux seules bombes nucléaires jamais utilisées par l'humanité dans un conflit armé étaient larguées sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki, conduisant à la capitulation de l'Empire japonais et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette tragique prouesse militaire et scientifique faisait entrer le monde dans une nouvelle ère, l'ère atomique, rebattant les règles du jeu au sortir de la guerre. Écoutez cette archive de la radiodiffusion française. Nous sommes fin octobre 1945. De nouveaux rapports de forces internationaux sont en train de s'installer. Dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion de la fête de la marine, M. Truman a déclaré que les États-Unis garderaient le secret de la bombe atomique. Des dépêches de Londres nous apprennent que M. Attlee se rendra prochainement à Washington et que, justement, il s'entretiendra avec le président des États-Unis de la question de savoir si, tout au contraire, il ne conviendrait pas d'internationaliser ce secret qui, du même coup, cesserait de devenir un secret. Il est évident que le fait qu'une seule des Nations Unies connaisse le terrible secret de détruire des villes entières et d'anéantir d'immenses populations peut être interprété par les autres comme une mesure de méfiance et éventuellement comme une menace. S'il est entendu que la sécurité de tous sera désormais garantie par l'assistance de chacun, il peut apparaître comme assez paradoxal qu'un seul détienne l'arme de guerre qui, par sa seule puissance, étouffera dans l'œuf toute velléité d'agression. Voilà, nous sommes en octobre 1945. Une réaction, Joël Poutaz ? Eh bien, moi, je dirais que c'est une réaction politique à un événement surprenant, celui de l'explosion de la bombe, sur lequel on pourra revenir au niveau de l'histoire. Et ça se situe dans ce qui se passe après-guerre, la création de la Commission énergie atomique qui va succéder au projet Manhattan. Quelle est la place du nucléaire dans le monde ? On voit bien, Dominique Mongin, que cet événement historique fait changer le monde, les relations internationales, toute la planète, toutes les populations de la planète, d'air. On change vraiment d'air. Tout à fait. Et l'archive que vous venez de passer est vraiment très intéressante parce qu'elle montre bien que les États-Unis sont en monopole de l'arme nucléaire. Et avec Attlee, donc le premier ministre britannique, se pose la question. D'abord, ils ont un lien entre eux depuis les accords de Québec d'août 1943, qui dit spécifiquement on ne partagera pas l'information avec une tierce puissance sans l'accord de l'une des deux parties. Et donc ça veut donc dire que par définition, on ne va pas partager le secret atomique avec d'autres puissances. Première chose, donc. Par contre, est-ce que les Britanniques vont se lancer aussi, eux, dans l'accès à l'arme nucléaire, ce qu'ils vont faire, en fait, dès 1952? Donc, ça va arriver assez vite. Et donc, parallèlement à ça, et ça, c'est un point important, du côté américain, on envisage déjà ça va devenir le plan Baruch en 1946, de voir dans quelle mesure on pourrait internationaliser les connaissances dans le domaine de l'énergie atomique en interdisant la production de la bombe atomique. Donc, dès cette époque, les Américains se sont posés la question. Alors, on va voir et puis on va reparler de ça. J'aimerais qu'on revienne peut-être au tout début de cette longue histoire qui conduit jusqu'à ces deux explosions d'août 1945. Peut-être parler tout de suite de quelque chose d'intéressant que j'évoquais dans l'introduction à l'instant. C'est-à-dire qu'il y a une course à la bombe qui est lancée. On va raconter cette histoire-là dans les minutes qui viennent. Mais en fait, on s'est rendu compte à la fin de la guerre que cette course a été chimérique. C'est-à-dire que l'Allemagne était très loin, très très loin d'acquérir la bombe dès qu'il y a eu une course, mais qui était une course avec un seul participant, les États-Unis. Oui, sauf qu'on sait que ce seul participant est sur la ligne de départ et est très bien placé sur la ligne de départ, puisque la découverte de la fission, on est en Allemagne en décembre 38. La publication, j'allais un peu vite, est de janvier 39. Et l'interprétation début 39, enfin fin 38 exactement, par Lise Meitner et Otto Frisch. Mais l'Allemagne est sur la ligne de départ, puisque la découverte est faite en Allemagne. Il y a des savants qui ont quitté l'Allemagne, qui vont d'ailleurs travailler sur le projet Manhattan aux États-Unis, mais il reste des savants en Allemagne, comme Heisenberg qui va travailler sur la bombe, comme Otto Hahn un petit peu, comme Kurt Dibner qui va travailler sur la bombe. Au moins jusqu'à 1942, on peut dire. Hein. C'est 41-42, au moment où la guerre bascule à l'Est et où les recherches en Allemagne vont continuer à se poursuivre, mais à un rythme beaucoup moins élevé qu'aux États-Unis. Donc, il y avait bien une course. Il y avait bien des participants sur la ligne de départ, mais tous les participants ne sont pas partis, en tout cas, à la même vitesse. Est-ce que vous confirmez Ils sont partis à la même vitesse, puisqu'ils créent tous les deux un comité. En Allemagne, c'est même le premier à créer l'Uranverein, le comité de l'uranium, en 1939. L'équivalent va être créé aux États-Unis un petit peu plus tard, après la fameuse lettre. Et puis en France, vous pourriez parler de la situation française. C'est vrai qu'il y a une compétition dès le départ. Donc là, on est en 1939, comme l'a dit Joël Poutas, effectivement, avec la confirmation de la découverte de la fission par Lise Meitner en janvier 1939, qui suit ce que la découverte faite par Otto Hahn, lui, qui était à Berlin. Lise Meitner, elle est en Scandinavie parce qu'elle a émigré, parce qu'elle est d'origine juive, et que justement, elle a fui le régime nazi, pour d'excellentes raisons. Et donc, à partir de cette époque-là, du début 1939, une concurrence très forte est engagée avec les Français en particulier, à tel point que Frédéric Joliot sait qu'il y a une matière stratégique qu'il faut absolument récupérer pour la France, qui est l'eau lourde. Et c'est la raison pour laquelle, à partir d'octobre 1939, au moment où Raoul Dautry vient d'être désigné comme ministre de l'armement du gouvernement français, Frédéric Joliot lui dit, il y a une matière stratégique qu'il faut absolument qu'on récupère, c'est l'eau lourde, et l'eau lourde, elle est produite... Alors, l'eau lourde, c'est quoi? C'est l'oxyde de deutérium, qui est un modérateur dans la réaction en chaîne, dans un réacteur. Le contrôle de Joliot, c'est un peu un profil de physicien. Très vite, Raoul Dautry, qui est un remarquable homme d'État, soutient les demandes de Frédéric Joliot, donc du scientifique, qui a pris l'initiative tout seul, pour aller récupérer le stock mondial de Lourdes. Et il demande, Raoul Dautry, ministre de l'Armement, demande à un financier français qui s'appelle Jacques Allier, qui est mobilisé dans le service des poudres, dans l'armée française, parce que Jacques Allier est un financier de la Banque de Paris et des Pays-Bas. Et cette banque possède près de 70% des capitaux de la Norsk Hydro, qui est la société norvégienne de l'azote, qui est la seule société au monde à l'époque qui produit de l'eau lourde. Et donc, à partir de fin février, une mission secrète avec des membres du service de renseignement français est envoyée en Norvège, au nez, je dirais, des services allemands, qui eux sont aussi en train d'essayer d'acquérir cette matière stratégique, donc à une usine qui s'appelle Ryukan, qui est à 130 km à l'ouest d'Oslo. Donc dans les montagnes, parce que pour produire de l'eau lourde, il faut un dénivelé très important. Enfin bon, voilà. Et donc, concrètement, on va aller récupérer les 188 litres d'eau lourde de la Norsk Hydro. Et donc, encore une fois, c'est le stock mondial d'eau lourde. Il va être rapatrié dans des conditions qu'on décrit dans le livre que vous avez cité tout à l'heure, dans des conditions absolument dignes d'un James Bond. Hein. Ouais. Et ce stock mondial de Lourdes va revenir au Collège de France à Paris. Et ensuite, ultérieurement, il va aller vers Bordeaux lorsque le gouvernement s'est replié sur Bordeaux. Et ensuite, et ça on pourra peut-être y revenir, il va être exfiltré avec deux membres de l'équipe de Frédéric Joliot à partir donc du 18 juin 1940, donc le fameux jour de l'annonce du général de Gaulle, vers la Grande-Bretagne. Et donc, on peut dire que les débuts de la coopération franco-britannique dans le domaine du nucléaire datent de là. Oui, moi je voudrais juste préciser un petit peu sur le plan scientifique, si vous voulez, pourquoi l'eau lourde ? Pourquoi l'eau lourde ? C'est une question qu'on peut se poser. En fait, la fission de l'uranium, c'est la fission de l'uranium 235. Il y a deux uraniums. On va pas faire longtemps de physique. Il y a deux isotopes, le 235, le 238. Celui qui est intéressant pour la bombe, et on va très vite s'en rendre compte, Niels Bohr va découvrir ça très vite en février-mars 1939. Il va publier ça le 1er septembre 1939 dans un fameux article, Qu'est-ce que la fission ? C'est donc le 235. Et le 235 avec ce qu'on appelle des neutrons lents. Qu'est-ce qu'un neutron lent ? C'est un neutron qui est ralenti. Comment ralentir des neutrons ? Eh bien, en mettant un matériau qui ralentit les neutrons. Le meilleur matériau, c'est l'eau lourde. Simplement, c'est difficile de se procurer l'eau lourde. Alors, entre parenthèses, vous parliez de course tout à l'heure. Les Allemands vont faire des réacteurs, enfin des expériences de réacteurs, dont le principal sera en 1945 à Egerloch, avec de l'eau lourde. Que retrouvera d'ailleurs Frédéric Joliot, c'est celui-là qui retrouve quand il va... Ce sont les Américains. Les Américains, mais Frédéric Joliot... Ce sont les Américains qui vont démanteler Egerloch. Donc l'eau lourde est une des possibilités. C'est la meilleure, mais difficile à obtenir. C'est pas celle que vont choisir les Américains. Ils vont choisir un autre modérateur, le carbone, le graphite. La méthode scientifique, Nicolas Martin. 16h10 sur France Culture. Nous parlons aujourd'hui de l'histoire scientifique, technique et militaire du projet Manhattan qui conduira donc à l'explosion de ces deux bombes atomiques en août 1945 au-dessus du Japon. Nous en parlons avec Dominique Mongin et Joël Poutas. Peut-être pour revenir à l'origine, peut-être dire un mot, Joël Poutas, des tout débuts. Quand peut-on faire remonter le point de départ de cette histoire qui va conduire au projet Manhattan ? Est-ce que finalement le point de départ ce n'est pas E égale MC2, c'est pas la relativité restreinte d'Einstein ? Non. E égale MC2, oui, on peut dire oui, mais E égale MC2, c'est une formule d'Einstein que tout le monde connaît, qui apparaît dans le cadre de la relativité restreinte. Mm-hmm. Et même, plus précisément, dans le deuxième article de 1905 sur la relativité restreinte. C'est quelque chose qui relie la masse et l'énergie. Bon. Donc, on peut dire que quand il y a une modification de masse, quelle qu'elle soit, il y a apparition d'énergie ou disparition d'énergie. Ça, c'est la conversion de la masse en énergie. Voilà. C'est intéressant. Bon, au carré. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup d'énergie avec des très petites masses. C'est ça, exactement, égale MC2. C'est exactement ce que ça veut dire. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question. Une fois que vous l'avez dit, c'est l'énergie. Une fois que vous l'avez dit, comment le faire ? Et là, il faut trouver le processus qui permet de convertir cette énergie. De convertir cette masse en énergie ou inversement. Et donc, le processus de fission, c'est un processus surprenant. On ne mesure pas à quel point des physiciens comme Enrico Fermi, un des plus grands physiciens qui travaillait sur beaucoup. Le sujet et qu'on va retrouver au cours de l'émission, qui était en Italie, qui bombardait l'uranium avec des neutrons. Pourquoi ils ne découvrent pas la fission ? Parce qu'on pense radioactivité. On pense que les noyaux se modifient par radioactivité. Ça veut dire quoi ? Qu'ils changent un petit peu d'identité. Ils vont chez le voisin, le voisin moins d'eux, vous voyez, à côté. Mais ils ne se cassent pas. Parce que c'est un édifice stable. Comment expliquer qu'un noyau se casse ? Et c'est Lise Meitner et Otto Frisch qui, en décembre 1938, pendant leurs vacances de Noël, à Göteborg, quand ils font du ski, ils discutent entre deux, et ils comprennent, et là, c'est un phénomène dynamique. C'est-à-dire, vous mettez un neutron, vous avez le noyau qui se déforme, qui oscille, un peu comme une cellule. Je ne sais pas si vous voyez les images de cellules sous microscope. On ne peut pas voir les noyaux, mais on peut voir les cellules. Et hop, il se forme un col, ça se sépare. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça la fission. C'est un nom qui a été introduit par un biologiste à Copenhague en discutant avec Otto Frisch en janvier 1939. Voilà, c'est donc, il faut comprendre ce phénomène. Donc ça, effectivement... C'est un phénomène nouveau, totalement nouveau. C'est Otto Frisch et Lise Meitner qui comprennent ça fin 38, vous l'avez déjà dit tout à l'heure. J'ai quand même une question à un physicien. Pourquoi est-ce que la fission concerne ce qu'on appelle des noyaux lourds? Pourquoi est-ce que finalement, on ne pourrait pas bombarder des atomes de fer, par exemple, pour faire en sorte que les noyaux finissent par se séparer? Oui, ça, c'est une bonne question. Bah, je vous remercie. Il faudrait avoir un petit peu d'image et voir ce qu'on On peut en mettre ce qu'on appelle une courbe d'énergie de liaison. Imaginez que vous vouliez enlever un nucléon, un proton ou un neutron d'un noyau. Il faut l'arracher. Il faut lui fournir une certaine énergie pour l'arracher. Cette énergie, elle est en moyenne de 7-8 MeV. Mégaélectronvolts. Oui, peu importe l'énergie, 7-8. Mais elle n'est pas plate. Elle est plus forte au niveau du fer, justement. Et donc, quand vous écartez... Je n'ai pas pris le fer par hasard, ce qui est l'un des éléments les plus stables de l'univers. Oui. Donc, c'est pour ça que... par hasard, voilà. Évidemment. Et alors, donc, quand on s'écarte des deux côtés, on va avoir des énergies de liaison un peu plus faibles. Et quand on s'écarte de l'autre côté, on va avoir des énergies de liaison un peu plus faibles vers les noyaux très légers. Ça, ce sera la fusion nucléaire, dont on ne va pas parler aujourd'hui, je pense. La bombe H. Mais peut-être une autre fois. Mais... En ce qui concerne la fission, il faut qu'il y ait suffisamment de nucléons pour que... Pourquoi il se casse, le noyau? Oui. À votre avis, pourquoi il se casse? Eh bien, tout simplement parce que quand il se déforme, les forces nucléaires qui retiennent les nucléons entre eux sont à courte portée. Et s'ils s'allongent suffisamment, les protons, il y en a de chaque côté, c'est positif, ça se repousse et ça casse. Il faut donc qu'il y ait suffisamment de protons d'un côté et suffisamment de protons de l'autre côté, c'est-à-dire avoir des éléments lourds pour que ça fonctionne. Et les deux intéressants sont l'uranium, pour ce qu'on 235, et un autre qui sera découvert qu'en 41, on en parlera, le plutonium 235. Et alors, dernière question de physique pure, pourquoi est-ce que ça dégage autant d'énergie, ces petits noyaux minuscules? Ah, ça, c'est une belle surprise, mais c'est un bilan comptable. Si vous reprenez cette fameuse courbe que vous imaginez, hein, quand vous cassez un noyau en deux, bon, il ne se casse pas exactement en deux, mais admettons qu'il se casse en deux. Il se casse dans deux morceaux inégaux, mais peu importe. Parce qu'il y a quelques neutrons. En deux. Non, ça va être important pour la réaction en chaîne. Alors, vous avez une petite différence d'énergie de liaison. Vous passez, allez, un petit MeV en dessous. Vous avez 200 nucléons. Vous multipliez 200 fois 0,7, ça vous fait 160. Je fais de l'arithmétique, là. 160 MeV, c'est 20 fois l'énergie qu'il faudrait pour arracher un proton ou un neutron du noyau. C'est tout simplement parce que la courbe de liaison des noyaux, elle n'est pas plate. Et quand vous cassez un noyau, vous allez dans une zone où ils sont plus stables et vous récupérez de l'énergie. Considérable, cette énergie, au niveau d'un noyau. Donc, évidemment, il en faudra beaucoup. Quand il y a 10 kilos de matière, évidemment, c'est exponentiel. Ça, voilà, c'était pour le petit point de physique nucléaire. Revenons à notre projet Manhattan. On a parlé, hein, on a dit donc ces premières expériences de fission faites fin 1938. Et on arrive, en fait, on se rend compte, quand on regarde un peu l'histoire, Dominique Mongin, que 1939, il y a une espèce d'un seul coup, tout le monde, effectivement, on voit bien la course dont vous parliez tout à l'heure, une centaine de publications sur l'année 1939, uniquement sur la fission. Et alors, on lit, et je parle sous votre contrôle, et j'aimerais que vous me donniez votre point de vue là-dessus, que finalement, tout serait parti d'une sorte d'indiscrétion de Niels Bohr. Est-ce que c'est vrai? Ça, je n'ai pas... Non, c'est pas... Oui, non, ça, j'ai pas vu ça. Je peux répondre. C'est pas une indiscrétion de Niels Bohr. C'est, pour raconter l'histoire telle qu'elle s'est produite, Otto Frisch était réfugié politique. C'est un Autrichien. Hein. Il est parti en 33. Il est passé par l'Angleterre. Et il se trouve être chez Niels Bohr depuis plusieurs années. Il va avec Lise Meitner, ils vont faire du ski ensemble. C'est le neveu de Lise Meitner, ils se connaissent bien. Ils font du ski, ils discutent, ils trouvent ça. Et quand Otto Frisch revient à Copenhague, tout début janvier 1939, il rencontre Niels Bohr. Et il lui raconte cette histoire fabuleuse que le noyau peut se casser, etc. Et le lendemain, 8 ou 9 janvier, Niels Bohr part aux États-Unis. Et il part aux États-Unis, donc ça prend un petit peu de temps, le bateau, il arrive, il en discute avec Fermi, qui est un réfugié, et il attend. Pourquoi il va aux États-Unis, Niels Bohr? C'est parce qu'il va à un congrès de physique théorique. À Princeton. Ah non, c'est à Washington, c'est Washington, peu importe. Bon, autant pour moi, c'est aux États-Unis, d'accord, où il y a les grands physiciens qui sont là. Et il ne va pas commettre l'indiscrétion tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il attend la publication que Lise Meitner et Otto Frisch ont envoyée le 16 janvier 1939 à la revue Nature pour expliquer la fission. Donc il est correct, Niels Bohr. Mais c'est pas une indiscrétion. c'est révéler une publication pour la discussion. Évidemment, le Congrès n'était pas là-dessus, à Washington, mais tout très vite, tout le monde... Il va le devenir. C'est le Congrès des théoriciens de l'Ouest, de l'Est américain, hein, de la côte Est. Ça va être la discussion. Dominique, non, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, Niels Bohr, il n'y a aucune indiscrétion de sa part. Au contraire, oui. Niels Bohr, il va rencontrer Heisenberg à Copenhague en 1941. Parce que c'est Heisenberg donc, qui est en charge du programme allemand, qui vient le voir à Copenhague. Et Niels Bohr est extrêmement surpris par la teneur de la conversation d'Heisenberg, et même choqué, parce que il commence, c'est plutôt Heisenberg qui commence à lui parler du principe de la bombe. Alors que lui, pour lui, il est hors de question d'évoquer ce sujet. Et concrètement, c'est à partir de 1943 qu'il va être exfiltré par les services britanniques vers la Grande-Bretagne, puis ensuite les États-Unis, hein, où Niels Bohr va se réfugier aux États-Unis, participera en partie hein, au programme Manhattan, mais après. Si vous me permettez, j'aimerais revenir, tout à l'heure vous posiez la question, jusqu'à où on peut remonter. Et moi, je pense qu'il faut remonter à la fin du 19e siècle, en particulier avec la découverte de la radioactivité naturelle, avec Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie, bien sûr. Évidemment. Et là, je fais référence à un document britannique qui est sorti en août 1945 pour justifier l'effort britannique fait pendant la guerre dans ce domaine. Et qui dit, ce document dit, le fundamental break, hein, la percée décisive, elle vient de 1896 avec Henri Becquerel, et puis ensuite, bien sûr, Pierre et Marie Curie. Et au passage, on peut rappeler que c'est Marie Curie qui a créé le terme de radioactivité naturelle en 1898. Et je vous renvoie à l'émission que nous avions consacrée aux travaux de Marie Curie, dont on va vous mettre le lien sur le fil Twitter. Très bien. De l'émission. Et donc, tout ça pour dire que si on remonte sur la longue, si on tire le fil, hein, sur la longue durée, on voit qu'il faut remonter vraiment à la fin du 19e siècle, ensuite au début du 20e siècle, avec les travaux, en particulier de Rutherford, sur la structure du noyau, où là, effectivement, les travaux avec son collaborateur Frédéric, le Britannique Frédéric Soddy, à tel point que il y a même des liens, des passerelles à faire avec la littérature, parce que un romancier comme H.G. Wells, qui a La Guerre des Mondes, que tout le monde connaît, a écrit aussi un livre qui s'appelle The World Set Free, dans lequel, pour la première fois, il envisage l'utilisation de l'arme atomique au milieu des années 1950. Et dans la préface, il dit c'est grâce en fait aux travaux de Soddy que cela m'a inspiré pour faire ce roman. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a donc une convergence de la recherche, d'émulation, que effectivement on est en plein à la fois entre la physique, la chimie, l'émergence de ce qui va devenir la physique des particules, et que aujourd'hui Joël Poutas, on a donc ces travaux sur la fission, mais pour la bombe, la fission, la connaissance de la fission, ça n'est pas suffisant. Il va falloir qu'on apprenne, qu'on découvre, qu'on fasse un effort de recherche autour d'autres notions, notamment celle de masse critique et celle de réaction en chaîne, qui vont venir au cours de l'année 39. Absolument. C'est-à-dire qu'il n'est pas suffisant de savoir que la fission existe. Il y a une deuxième chose, il faut qu'elle se propage. Or, elle se propage de la manière suivante. Quand vous cassez un noyau d'uranium, quand vous cassez, enfin, en mettant un petit neutron dans le noyau, il se casse, vous avez émission de neutrons secondaires. Ça, c'est très important parce que ces neutrons, en moyenne 3 par là, vont aller propager cette fission. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. C'est ce que va publier, par exemple, Frédéric Chauliot en février... En février 39, c'est ce que... Avec Alban et Kowarski. C'est ce que va trouver aussi Fermi aux États-Unis un petit peu en même temps. Et c'est Zillard. Ce que va être trouvé en Allemagne aussi. Oui, donc, juste pour dire que c'est vrai que on constate que les recherches en fait allaient très très vite. Ils utilisaient même de quelques jours, d'une semaine pour qu'il y en a un qui trouve la solution avant l'autre. Et ça, c'est typique de cette époque. C'est typique de toutes les recherches fondamentales où quand on est sur un sujet nouveau, la fission c'est un sujet nouveau. Alors, on peut dire tout le monde s'y met. Tout le monde, c'est qui ? Ce sont les laboratoires dans lesquels on fait cette recherche, en Angleterre, en France, en Allemagne, un peu en Russie, hein, en Union soviétique, un petit peu même au Japon, hein, Nishiya a travaillé un petit peu là-dessus, mais c'est surtout les États-Unis, le Royaume-Uni, la France jusqu'en 1940, et pour cause, et l'Allemagne, on peut dire, jusqu'à la fin de la guerre, mais avec un maximum vers 41-42. Oui, c'est-à-dire la bascule de la Seconde Guerre mondiale. Dominique Mongin. Oui, et puis je pense que c'est bien de rappeler ici également les brevets secrets déposés par l'équipe de Frédéric Joliot en mai 1939. À l'Académie des sciences. Voilà. Il y a une enveloppe cachetée. Voilà. Donc en fait, c'est au CNRS, hein, c'est sous enveloppe CNRS. Et l'un de ces brevets, donc c'est l'équipe Joliot, hein, prévoit le principe d'une arme nucléaire ou d'un explosif nucléaire, à la fois d'ailleurs pour des applications civiles, hein, de génie civil, mais aussi pour des applications militaires. Et encore une fois, et ça c'est très important de le souligner, parce que ça contraste très nettement avec l'image que l'on a de Frédéric Joliot après la guerre, pacifiste. À cette époque-là, il était extrêmement investi dans l'effort de guerre et il voulait y participer. Et ça, c'est très très clair. Et donc, dans ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce premier brevet secret, le principe même donc de la bombe, comme je l'ai dit, est déjà formulé, mais en plus, le concept de masse critique, justement, apparaît. Et qui est l'inventeur de ce concept? C'est Francis Perrin. Le fils de Jean Perrin, le grand physicien, et d'ailleurs Francis Perrin du CNRS, et Francis Perrin deviendra également l'un des grands physiciens français. Alors. Et donc c'est très important d'une part, et d'autre part, le principe de l'amorçage neutronique est également prévu dans ce brevet secret de mai 1939. Alors c'est très important cette notion de masse critique. Hein. Je voulais vous entendre là-dessus. Je vais vous faire un petit commentaire sur cette masse critique. Bien sûr. Effectivement, Francis Perrin fait des calculs de masse critique dans l'uranium et trouve des tonnes. Pour les masses critiques, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être conduire embarqué à une bombe. Par contre, la masse critique, la première formulation de masse critique, c'est fait par Peyers et Frisch, le même Frisch qu'on a vu tout à l'heure. Il est parti de Copenhague, on le retrouve à Birmingham, en Angleterre, avec un autre réfugié, Rudolf Peyers. Rudolf Peyers est un Allemand, arrivé en Angleterre en 1933. Ils font des calculs. Le calcul, alors, il faut imaginer les calculs de l'époque. Hein. Pas d'ordinateur, c'est des calculs par extrapolation. Comme c'est des phénomènes exponentiels, il suffit de se tromper un petit peu dans les paramètres. Hein. Et donc, ils vont trouver que pour l'uranium-235 pur, hein, en admettant qu'on ait pu purifier l'uranium, il faut quelques kilos. Alors c'est un peu faible. Du côté Francis Perrin, c'est beaucoup trop fort. Du côté Frisch et Peyer, c'est un peu faible. Mais quand vous dites quelques kilos, alors vous pouvez imaginer une bombe. C'est-à-dire vous pouvez vous dire, bon, alors je vais pas mettre quelques kilos, puisque ça sera pas pur, je vais en mettre 64 kilos, comme à Hiroshima, par exemple, à 90%. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir avoir une bombe qui va pouvoir se mettre dans un avion, 4 tonnes, et être transportée et faire une arme nucléaire. Mais j'anticipe totalement, parce que à l'époque, c'est très important la notion. Et c'est bien de souligner Francis Perrin. On connaît Joliot, Francis Perrin... Il y a Pierre Auger aussi qui travaillait pour nous, excusez-moi. Ce qui Pierre Auger, un des premiers Francis aussi. Francis Perrin deviendra d'ailleurs haut commissaire à l'énergie atomique en 1950. C'est lui qui remplacera Frédéric Joliot lorsque Frédéric Joliot devra démissionner. Excusez-moi, il y a Pierre Auger aussi qui faisait ses tout premiers calculs. Oui. Hein. Ce qui fait que nous avons donc découvert les mécaniques de fission, nous avons découvert le principe de réaction en chaîne, nous avons découvert... En tout cas, estimer la masse critique, ça veut dire qu'on a tous les éléments du puzzle et qu'il ne reste plus qu'à les assembler. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parole, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Vous aurez bien sûr reconnu la Java des bombes atomiques de Boris Vian à 16h30 sur France Culture, puisque nous parlons de l'histoire de la bombe atomique et du projet Manhattan. Nous en parlons avec Dominique Mongin, qui est ici avec nous, docteur en histoire, enseignant à l'École Normale Supérieure à l'INALCO, auteur entre autres de Résistance et Dissuasion des origines du programme nucléaire français à nos jours. C'est un ouvrage collectif co-dirigé avec Céline Jurgensen et avec Joël Poutas, qui est physicien nucléaire, historien des sciences, chercheur émérite CNRS au laboratoire de physique Corse. corpusculaire de l'ANSSI à Caen. On l'a dit, on a maintenant tous les éléments, la base scientifique pour construire la bombe. Encore faut-il la construire. L'histoire a retenu une lettre qui est le point de départ du projet Manhattan à proprement parler, c'est-à-dire du projet de bombe nucléaire. Cette lettre au président Roosevelt, signée par Einstein. Elle est signée par Einstein, mais c'est pas Einstein qui est derrière cette lettre. C'est Léon Szilard qui rédige cette lettre. Szilard et Einstein se connaissaient bien, puisque Szilard, c'est un réfugié hongrois, hein, arrivé aux États-Unis en 39, en passant par l'Angleterre, et qui avait connu un Einstein en Allemagne, avant qu'Einstein quitte l'Allemagne en 1933. Et il fait partie d'un petit groupe de Hongrois, dans avec lequel Wigner on trouve Wigner. Teller est encore un peu jeune, mais il est là aussi, mais Eugène Wigner en particulier, ce grand physicien, prix Nobel. Et donc, ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent et si on écrit au président Roosevelt, en général, ça n'a pas d'impact. Si on s'appelle Einstein et qu'on signe la lettre, alors on a des chances d'alerter le président sur les dangers de la bombe. Ce qui est intéressant, Dominique Mongin, c'est que la première tentative, en fait, ils s'inquiètent, Szilard et Wigner s'inquiètent, notamment parce que ils ont des informations sur lesquelles l'Allemagne est en train d'acheter de l'uranium au Congo belge. Et leur première tentative, c'est d'alerter la reine des Belges. De ne pas parler directement au président Roosevelt, mais d'essayer de convaincre la reine des Belges. C'est vrai ou c'est faux, ça? Oui, tout à fait. Je crois que c'était... Je connais pas le détail pour seul, mais en tous les cas, l'enjeu de l'uranium, vous avez entièrement raison d'en parler, c'est fondamental. Du côté français, c'est pour ça qu'il faut aussi en parler. La France, à l'époque, avait le plus grand stock d'uranium, d'oxyde d'uranium avant la débâcle de mai 40. Juin 40. Elle avait récupéré 8 tonnes d'oxyde d'uranium. Et ce qui est très peu connu, c'est que ce stock d'uranium, il a été exfiltré pareil, en juin 1940, au moment de la débâcle, vers le Maroc, où il a été entreposé pendant toute la guerre dans les mines de phosphate au Maroc. Et ça, c'est une chose qui est assez peu connue. Mais il faut rendre hommage aussi à tous ces résistants qui ont permis de poursuivre et de cacher ce stock. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, le principal... et là, la France était effectivement approvisionnée au Congo belge via l'Union minière du Haut-Katanga, qui était la société avec laquelle l'équipe de Frédéric Joliot avait de très, très bons rapports. Et donc, effectivement, une fois que les choses évoluent du côté américain, les Américains vont vouloir... Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, Szilard, enfin, ou plutôt Einstein, l'évoque dans la lettre. Je voudrais dire, pardon, dans cette lettre, il y a un point très important, c'est qu'il cite le nom de Frédéric Joliot. Hein, et donc, encore une fois, dans la lettre au président Roosevelt, que Roosevelt en fait ne va recevoir qu'en octobre. En octobre, oui, tout à fait. Il y a deux versions. Il y a une première version un peu longue et qui va être raccourcie pour pouvoir être sûr d'avoir l'attention du président. Et en fait, c'est son conseiller économique qui s'appelle Alexander Sachs qui va lui transmettre. Et dans cette lettre, voilà, il parle pour la première fois de la possibilité de faire une bombe atomique qui pourrait détruire un port. Un port d'une ville, voilà. Et tout en disant, grâce aux travaux en fait de Frédéric Joliot, notamment, il cite aussi, je pense. Non, il cite surtout von Weizsäcker. Oui, mais enfin, il fait aussi Frédéric Joliot. Il s'inquiète de la situation en Allemagne, et ce qu'il demande, c'est la conclusion de la lettre, demande une attention et si nécessaire, une action rapide de la part de l'administration. Parce que on peut potentiellement, de l'administration américaine, on peut potentiellement construire une bombe. Et il alerte beaucoup sur le fait qu'en Allemagne, les travaux ont progressé et qu'il reste des scientifiques. Il cite, pourquoi von Weizsäcker? Parce que c'est le fils du von Weizsäcker politique. Hein. Et donc, il cite ce physicien-là en particulier et qu'il y a des travaux qui ont lieu en Allemagne. Et ça, c'est vrai. C'est vrai, les Allemands sont les premiers à créer le Uranverein. On est en 39, donc on est au tout début par rapport à ce qu'on disait. On est exactement le 2 août 1939. C'est vraiment très important, effectivement, ce que dit Joël Poutas, parce que c'est dès cette époque-là qu'effectivement les Américains sont sensibilisés au fait que les Allemands cherchent aussi à fabriquer un programme. Mais parallèlement, les Britanniques n'ont pas encore été complètement alertés. Et ceux qui vont alerter les Britanniques, ce sont en particulier les Français. Et en particulier à travers une mission que Raoul Daughtry, ministre de l'Armement, va envoyer en avril 1940 à Londres avec Jacques Allier, toujours le Jacques Allier de Lourdes, qui va donc sensibiliser les Britanniques à la course-poursuite engagée avec les Allemands et au fait que l'eau lourde, c'est une matière évidemment stratégique. Et c'est intéressant également de noter que c'est ce jour même où, donc le 9 avril 1940, entre parenthèses, c'est la date d'invasion de la Norvège par les Allemands. C'est ce même jour, le 9 avril, se réunit ce qu'on appelle le Mode Committee, qui est le premier comité de réflexion sur l'énergie, ce qui viendra de l'énergie atomique, en Grande-Bretagne. Et Jacques Allier y participe pour sensibiliser les Britanniques. Mmh. Oui, et puis de toute façon, les Britanniques qui vont collaborer très proche avec les États-Unis. Joël Poutas, justement, comment est-ce qu'on passe de cette lettre à Roosevelt au projet Manhattan à proprement parler? Parce que, en fait, il y a un effort de recherche qui est lancé, mais qui va prendre toute son essor à partir de Pearl Harbor, c'est-à-dire à partir de l'entrée en guerre des États-Unis. C'est-à-dire que pendant un an et demi, il y a un petit effort de charge qui est consenti, mais qui n'est pas à marche forcée encore, alors, pourrait-on dire. La réponse de Roosevelt, elle se fera le 10 octobre 1939, et c'est celle qu'on pouvait attendre. Il met en place un comité consultatif de l'uranium. Advisory Committee on Uranium. Comité va évoluer. Mmh. Comité consultatif, il va être intégré. Alors, c'est un peu compliqué l'organisation militaire aux États-Unis. On commence à mettre en place. Les États-Unis ne seront en guerre qu'au lendemain de Pearl Harbor, hein, le 8 décembre 1941. Mmh. Il faut bien savoir, il y a les lois qui empêchent les États-Unis. Bon, ils soutiennent le Royaume-Uni, bien sûr, mais c'est à partir de Pearl Harbor, après l'entrée en guerre des États-Unis. Mais il y a quand même toute une organisation avec une section de l'uranium. Ça va évoluer, on va appeler ça une section d'uranium, et puis uranium, ça attire l'attention. Alors on va l'appeler la S1, la section 1. Section 1, bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Et en fait, il y a tout un soutien à la recherche fondamentale dans ce domaine, mais c'est au niveau de la recherche. Ça va vraiment s'accélérer à partir de 1942. Et en particulier à partir de l'été 1942, avec la mise en place du projet Manhattan qui commence à cette période-là. Alors c'est quoi le projet Manhattan ? Alors le projet Manhattan, alors il s'appelle Manhattan. Tiens, pourquoi il s'appelle Manhattan ? Parce qu'il est installé. Eh bien tout simplement parce que les premiers bureaux sont installés sur Broadway dans un immeuble à Manhattan. Et c'est là que ça commence avec une... Alors il y avait quand même des discussions à Berkeley par exemple. Il y avait eu des réunions où on trouvait déjà Oppenheimer, Teller qui discutaient de la possibilité d'une bombe. Mais la vraie organisation, elle commence à cette époque avec une mise en place d'un responsable qui sera le général Groves, d'un responsable scientifique qui sera Oppenheimer et toute une organisation dont on va parler, je pense. Dominique Mongin. Oui, alors justement sur cette organisation, d'abord pour dire que les militaires sont pas mis tout de suite dans au courant. Enfin, je veux dire, ils agissent pas tout de suite. Le président Roosevelt attend. On voit très clairement que c'est pas à partir de mars 1942 qu'il donne son feu vert à son ministre de la Défense en disant OK, on met le département de la Défense dans le coup. Parce que jusque-là, c'était pas le cas. C'est ce que disait Joël Poutas. La recherche jusqu'à 41, jusqu'à Pearl Harbor, la recherche reste entre les mains des scientifiques, reste très fondamentale avec quand même une petite remarque, c'est que les publications s'arrêtent. Ça, oui, c'est important de le voir. On passe à fin 39, à partir de 40... Non, elle s'arrête à partir de 40-41. Oui, 40. Les dernières publications sur le Neptunium, qu'on appellera l'élément 93, sera publiée quand même en 40, mais les recherches sur le plutonium de Seaborg, qui va découvrir le plutonium, elles ne seront pas publiées. Elles seront publiées en fait en 1946, c'est-à-dire après la guerre. Il y a quand même on passe sous les radars. Pas des 39. Je disais fin 39. C'est vrai qu'il y avait une demande quand même pour aller dans votre sens de Léo Szilard. Il y avait une alerte qu'il a déclenchée dès février 1939. Szilard qui dit à ses collègues européens arrêtez de publier. Le sujet est trop sensible. Et encore une fois, on est en février 39, donc c'est bien tôt. C'est avant septembre 39, donc avant le déclenchement. Mais personne ne le fait. Plus ou moins. Il le fait quand même avec le début de la guerre. Mais pour revenir quand même au programme Manhattan. Vous avez parlé du général Groves. Juste avant le général Groves, il y a eu un colonel qui s'appelle Marshall qui avait été désigné et qui, effectivement, n'est pas resté longtemps. Et c'est évidemment le général Groves. Pourquoi il a été remplacé, on l'a désigné? C'est parce que c'était un très, très grand manager, très, très grand organisateur. C'est lui qui avait créé le Pentagone. Donc ça, c'est un point important. Et c'est la raison pour laquelle Roosevelt l'a désigné pour mener à bien ce projet. Et donc, c'est lui qui va arriver à superviser au total 125 000 salariés, hein, le programme Manhattan, c'est 125 000 personnes. Oui, 125 000 personnes. Et avec le turnover, on a pu calculer qu'au total, ça avait concerné 500 000 personnes. Donc c'est considérable. Et là-dedans, vous parlez du secret, et ça, c'est quand même un sujet fondamental dans le domaine de la défense nationale. Et là, on voit quand même que le secret a été préservé à une exception près, qui est celle de l'espionnage soviétique, qui a été extrêmement important. Donc ça, peut-être qu'on y reviendra. Mais en l'occurrence, donc ce programme était fondamental. Il a été lancé, comme vous l'avez dit, à l'été 42, et il se met en place progressivement tout au long de l'année 1943, en particulier sur le site donc de Oak Ridge, où là va être plus particulièrement mis en œuvre tout ce qui concerne la séparation isotopique. Et donc là, on est dans le Tennessee, à Oak Ridge, et l'autre site, c'est dans l'État de Washington, c'est à Hanford, pour la partie plutonium 239. Il y a un nom qu'il faut citer, justement, à qui on va attribuer la paternité, à qui l'histoire attribuera la paternité de la bombe atomique. C'est un physicien, Oppenheimer, qui parlait un français brillant, courant. Je vous propose d'écouter sa voix, la voix de Robert Oppenheimer en 1964. C'est la radio-télévision suisse. Écoutez. Bien sûr que c'était désirable que toutes les connaissances, toutes les installations, tous les plans, toutes les préparations qui menacent les peuples du monde ou qui pourraient menacer les peuples du monde ne soient pas secrets. Ce n'est pas une question de science, pas surtout pas pour la plupart une question de science, mais des actions des hommes, des intentions des hommes et des puissances des hommes. Voilà la voix d'Oppenheimer avec ça aussi. Alors, est-ce que ça fait partie de la légende ou pas, cette fameuse phrase qu'il aurait prononcée, à laquelle il aurait pensé au moment de l'explosion de la bombe le 16 juillet 1945, qui dit « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». On sait que si c'est vrai, non, ou si c'est la légende. Alors ça, c'est dans une émission de télévision. Vous pouvez la trouver, mais c'est en anglais. Hein. C'est dans une émission de télévision où il se rappelle, alors c'est vers la fin de la vie, où il se rappelle en fait, pas Hiroshima Nagasaki, mais l'essai de Trinity Site. Oui, Trinity Site, en juillet 1945. Du 16 ouais. juillet 1945. Ouais. Il faut savoir qu'Oppenheimer, vous dites, il parlait français. Bon, il parlait allemand, évidemment, ouais. puisque ses parents, il a fait ses études en Allemagne, à Göttingen. La fameuse université de Göttingen. Mais il lisait la Bhagavad Gita, donc le livre hindou, en sanskrit. Donc il connaissait, quand il dit le destructeur des mondes, c'est une allusion à la Bhagavad Gita. Il se rappelle ce destructeur des mondes. Ça, vous pouvez le trouver sur Internet. Hein. Vous trouvez le petit passage en anglais. On va vous le mettre sur le site Twitter de l'émission. C'est dans un film un peu plus grand. C'est assez émouvant. C'est vers la fin de la vie de Oppenheimer. C'est un intellectuel brillant, un théoricien. Curieux choix pour Gross, n'est-ce pas? En même temps, je pense qu'il faut relativiser ce propos dans le sens où il ne s'est pas du tout opposé au largage de la bombe atomique sur Hiroshima. Hein, pour lui, ça faisait partie de l'effort de guerre. Il ne s'y est pas opposé. La question qui s'est posée au moment de Hiroshima et après le test de Trinity en juillet 1945, c'est de savoir, fallait-il faire un test ou non à destination des Japonais pour les sensibiliser sur les risques qu'ils encouraient si la bombe était larguée. Et ça donnera lieu à ce qu'on appelait le rapport Frank en juin 1945, où plusieurs scientifiques américains donc diront mais il faut absolument faire un test de démonstration. Mais Oppenheimer ne l'avait pas signé. Juste pour compléter sur ce point-là, non seulement ils ne le signent pas, ils sont six à envoyer sous la responsabilité de Frank, qui était le grand physicien allemand. Qu'est-ce qui se passe après? On demande l'avis aux quatre conseillers américains les plus célèbres, c'est-à-dire Oppenheimer, bien sûr, mais Fermi, Compton et Lorenz, le père. Oui, les quatre conseillers principaux font un rapport dans la semaine qui suit pour dire il n'est pas possible d'envisager une démonstration. On est en juin, il n'est pas possible pour plusieurs raisons. Bon, techniquement, c'est assez difficile, mais en plus, il faut voir qu'à l'époque, on ne sait pas si la bombe marche. C'est quand même pas rien. On ne sait pas si elle marche, premier point. Autre point, on ne dispose de très peu de combustible. Il faut savoir qu'au moment de Hiroshima Nagasaki, les États-Unis, à une bombe près, ont probablement utilisé leurs trois seules bombes possibles. Parce qu'il y en avait une troisième. On va y revenir. Justement, le temps avance. On arrive donc néanmoins à cet essai Trinity en juillet 45, qui est monté quasiment. Alors, je parle sous votre contrôle, hein, évidemment, mais de briques et brosses contre toi. En tout cas, les choses vont très vite. Non, mais ce que je veux dire, il est monté vite. Non, mais bien sûr. C'est pour dire rapidement. C'est-à-dire que cet essai dans le Nouveau-Mexique, il est monté très rapidement. Et d'ailleurs, le largage de la bombe va avoir lieu 3 semaines après l'essai. Donc on va très vite à ce moment-là. On ne sait pas si la bombe atomique marche. Par contre, on a deux, on n'a même pas eu le temps d'en parler, mais deux combustibles possibles. Deux voies. L'uranium 235, on pense que ça va marcher. Little Boy, c'est la première. C'est la bombe d'Hiroshima. On a du combustible pour en faire une. Alors peut-être préciser que c'est une bombe à rapprochement. Donc la technique de la bombe, c'est une bombe à rapprochement, à la différence de l'autre, qui est une bombe à implosion. Voilà. Alors pourquoi une bombe à implosion et pas une bombe à rapprochement qui était envisagée pour le plutonium? C'est parce que dans le plutonium, il y a aussi du plutonium-240, et il faut séparer les masses primaires beaucoup plus... Comment on fait une bombe? On coupe la masse critique en deux. Enfin, j'exagère un peu, mais... Et après, on ramène par un canon, une espèce, les deux masses critiques ensemble, Hiroshima. Autre procédé, c'est une bombe à implosion, c'est-à-dire on sépare en beaucoup plus de morceaux, pour des raisons techniques, hein, présence du plutonium 240, qui fait qu'on peut pas tout mettre ensemble. Et alors là, c'est une bombe beaucoup plus sophistiquée, et dont on ne sait pas si elle marche. Mais on dispose d'un peu plus de combustible qui a été fabriqué dans les réacteurs d'Hanford à toute vitesse, c'est le plutonium 239. Donc la bombe de Trinity Site, comme on dit, de l'essai, c'est une bombe au plutonium et qui va fonctionner. Et ce sera celle de Nagasaki. Et il en reste peut-être une en réserve, mais c'est tout. Et d'ailleurs, on estime que la puissance de cet essai, la puissance de l'essai a été de 20 kilotonnes. Encore une fois, on parle, et ça c'est très significatif lorsqu'on parle d'histoire du nucléaire militaire, on parle en termes d'équivalent TNT. Exactement. Donc là, 20 000 tonnes de TNT, c'est ça l'équivalent. Et donc ça veut dire que cette puissance est très importante. Et que l'essai, effectivement, a réussi sur une arme qui avait 6 kilos de plutonium 239. Et un peu plus. C'est d'ordre là. Enfin, c'est quelques kilos, mais c'est quelques kilos. La différence, effectivement, de l'autre type d'arme avec de l'uranium 235, où là, c'était pour Hiroshima. C'est 67 kilos pour Hiroshima, mais un seul kilo a fissionné. Exactement. Et quand je dis que tout va très vite, c'est que le 16 juillet, donc l'essai de Trinity, ça fonctionne. Dès le 16 juillet au soir, les éléments de la bombe partent de San Francisco. Oui, certains éléments étaient déjà partis. Il faut rappeler que l'armistice a été signé en Europe. Oui. Le 8 mai 1945. Et ben ça, c'est important parce que pour beaucoup de scientifiques, ça va créer une difficulté. C'est-à-dire, beaucoup de scientifiques allemands, par exemple, s'étaient engagés sur la bombe parce que c'était une lutte contre le pouvoir nazi en Allemagne. Il faut bien comprendre l'engagement. Est-ce que il faut savoir aussi que la guerre, elle n'a pas commencé en 39, elle a commencé en 37. Hein. Nous, on est habitués en Europe, mais l'invasion du Japon en Chine, etc., c'est avant. Donc il y a la guerre de l'autre côté, qu'on ne connaît pas très bien, mais qui commence à cerner le Japon, et il y a un bombardement intensif du Japon. Hein. Et on estime que le point de bascule politique sur la cible, c'est à partir de septembre 1944, lors d'une conférence à Hyde Park entre Américains et Britanniques, où on dit maintenant la cible, ça sera le Japon, et plus l'Allemagne. Donc septembre 44. Très peu de physiciens vont quitter le projet Manhattan. C'est très difficile. Hein. Il n'y a que Joseph Rotblat, le futur prix Nobel de la paix, qui réussit à quitter Manhattan en décembre 1944. Et on peut rappeler que là aussi, les États-Unis proposent au Japon, avant de frapper, une reddition sans condition. Ça, c'est toujours ce qu'on fait avant un bombardement. Il faut savoir que le bombardement sur le Japon, avant le bombardement nucléaire, celui est intensif. De Tokyo. Oui, le bombardement de Tokyo de mars 1940, c'est 40 000. Voire 80 000 selon les sources japonaises, ça dépend des différentes sources, c'est autant que Nagasaki. C'est pas pour justifier un bombardement. Hein. Évidemment, c'est très différent, c'est 300 avions, c'est un bombardement. Le bombardement de Tokyo est extrêmement discutable. Donc il y a toujours, je crois qu'il y a eu je sais pas combien de millions de tracts envoyés sur le Japon avant les bombardements, comme ça se faisait en Allemagne aussi. Il faut savoir que les services secrets américains décryptaient les messages du ministère des Affaires étrangères japonais. Donc ils savaient très bien qu'effectivement, en direction des soviétiques, donc ils savaient très bien quels étaient les desiderata des japonais, à savoir qu'effectivement, pour eux, il était hors de question de remettre en question le pouvoir impérial. Ça, c'était un point capital. Juste une chose aussi importante, c'est les conférences internationales. Conférence de Yalta en février 1945 qui prévoit que l'URSS s'engage à entrer en guerre contre le Japon 3 mois après la reddition allemande. Et les 3 mois en arrivent, c'est-à-dire ça, en gros au 8 août 1945. Ce qu'ils vont faire d'ailleurs. Voilà. Donc ça c'est un point très important qui peut aussi expliquer certaines choses. Et d'autre part, on a parlé de le test de Trinity. Il se passe au moment même où a lieu la conférence de Potsdam. Et c'est lors de cette réunion que Truman va briefer Staline sur le fait que les États-Unis sont en possession d'une arme super puissante. Et là, Staline le savait. Staline le savait grâce à son service d'espionnage. Il n'avait peut-être pas tout à fait pris conscience. C'est-à-dire, Staline va vraiment lancer le gros programme nucléaire après Hiroshima. Justement, on va parler de cet après, puisque la bombe a fait les ravages que l'on sait, 80 000 morts immédiatement, instantanément à Hiroshima, 40 000 à Nagasaki, plus tous les morts, les mois et les dizaines de milliers de morts, les mois et les années suivantes. Le démantèlement officiel du projet Manhattan en 46, mais vraisemblablement un peu plus tard, la transformation, mais ce qui nous amène à cette nouvelle ère atomique, le début de la guerre froide, la course aux armements, la sophistication de ces armes de destruction massive. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes intéressé justement à l'évolution de ces armes atomiques jusqu'à nos jours. Oui, c'est Corentin Brucelin, directeur du Centre des études de sécurité à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, qui m'a répondu sur cette question du nucléaire militaire et notamment de la dissuasion. Il nous explique comment se sont développés d'un point de vue technique les arsenaux nucléaires, mais aussi pourquoi les armes nucléaires ont diminué en taille et en puissance pour un éventuel emploi dit tactique. Quentin Brucelin revient aussi sur les raisons pour lesquelles certaines puissances nucléaires ont aujourd'hui un discours peu rassurant concernant l'usage de leurs armes atomiques. Sur le plan de l'arme nucléaire à proprement parler, je pense que la principale évolution, qui n'est pas récente, c'est l'avènement de l'arme à fusion, c'est-à-dire l'arme thermonucléaire, qui finalement a été découverte et mise au point par les deux superpuissances dans les suites immédiates en fait de l'arme à fission. Donc c'est-à-dire la recherche ont commencé à la fin des années 40 pour des premiers tests opérationnels au début des années 50. Et après ça, on a eu finalement une amélioration des technologies qui ont permis de faire des armes. Alors, il y avait plusieurs tendances. Vous avez une tendance aux armes de plus en plus volumineuses et de plus en plus puissantes, avec des tests d'armes qui étaient multimégatoniques, donc des bombes qui ont été testées, qui pouvaient aller jusqu'à 50 mégatonnes, donc l'équivalent de 50 millions de tonnes de TNT concentrées en une seule explosion. C'était un essai nucléaire soviétique. Tous les autres essais nucléaires ont été beaucoup moins puissants. Et les armes ont tendu quand même pendant un certain temps à aller vers plus de puissance pour pouvoir détruire des cibles très durcies, très solides. Donc des cibles militaires, des cibles de bunkers enterrés, des silos de missiles par exemple. Et après vous avez eu une deuxième phase finalement où les armes thermonucléaires ont cessé d'être produites pour livrer des puissances de plus en plus grandes. Mais elles ont été calibrées pour fournir le meilleur rendement possible et donc pouvoir équiper des vecteurs plus variés. Le rôle militaire du nucléaire est encore présent, avec notamment cette idée de dissuasion. J'aimerais savoir un petit peu à quoi ressemble aujourd'hui un arsenal, de quoi se compose un arsenal d'une grande puissance nucléaire comme la Russie, les États-Unis ou bien même la France. Alors il y a une grande différence dans la forme des arsenaux entre d'une part les États-Unis et la Russie et l'arsenal de la France par exemple. Vous avez d'une part des arsenaux qui comptent plusieurs milliers d'armes nucléaires avec ce qu'on appelle des triades stratégiques, c'est-à-dire vous avez des capacités qui sont portées à la fois par des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui peuvent envoyer des missiles balistiques à très longue portée, vous avez des missiles sol-sol intercontinentaux et vous avez des bombardiers stratégiques. Donc ça fait trois vecteurs différents pour porter des armes stratégiques, c'est-à-dire des armes qui ont vocation à pouvoir menacer directement le territoire de l'adversaire. Et ces armes sont déployées en nombre qui est de au moins 1550 têtes selon le calcul, au maximum, 1550 têtes selon le calcul du traité New Start. À côté de ça, ces États possèdent un certain nombre d'armes nucléaires dites non stratégiques, qui sont en général de plus faible puissance, de portée plus faible, dont le nombre exact n'est pas connu par ailleurs. On postule qu'il y a un rapport, il y en a beaucoup plus en Russie qu'aux États-Unis. Mais après, la question se pose en des termes différents pour les puissances moyennes, qui sont confrontées à des dilemmes budgétaires notamment différents, et donc qui ont des formes d'arsenaux plus réduits. On a plutôt des arsenaux qui vont entre 100 et 300 têtes nucléaires. Et vous avez encore des situations d'arsenaux plus petits, mais en croissance, comme dans le sous-continent indien, par exemple, que ce soit l'Inde ou le Pakistan, où là, on a des développements assez préoccupants, parce que c'est pas simplement une course à des armes stratégiques, c'est aussi une course à des armes plutôt tournées vers un emploi du champ de bataille, c'est-à-dire des armes nucléaires de puissance plus faible, destinées à un emploi plus tactique. Justement, ces armes nucléaires de puissance plus faible, à quoi ça peut ressembler une arme nucléaire de puissance plus faible, puisque On s'imagine bien qu'à partir du moment où il y a une explosion nucléaire, c'est quand même pas un simple missile, entre guillemets. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de cette réduction des impacts et est-ce que on peut légitimement et raisonnablement parler de frappe chirurgicale quand on parle de nucléaire ? Quand on parle d'armes nucléaires de faible puissance, on parle de quelque chose de très spécial. On parle d'une arme qui est incomparablement plus puissante que n'importe quelle arme conventionnelle. On considère de faible puissance, c'est-à-dire tout ce qui est inférieur à 5 kilotonnes. Hiroshima, Nagasaki, c'était dans la gamme de 12 à 18 kilotonnes. Donc on n'est pas sur des armes nucléaires qui permettent une frappe qu'on dira chirurgicale. On est sur des armes qui ont un rayon de destruction qui est quand même considérable, qui libère une énergie tout à fait considérable, mais nettement inférieure aux armes nucléaires stratégiques qui forment l'essentiel des armes nucléaires déployées à travers le monde. En ce qui concerne les effets d'une arme nucléaire de faible puissance ou de puissance dite faible, on est sur des zones d'effet qui sont de quelques kilomètres, des cercles de quelques kilomètres de diamètre, mais voire quelques centaines de mètres si on est inférieur à des puissances kilotoniques. Donc l'idée de ceux qui disposent de ce type d'armes, c'est d'avoir des capacités d'emploi qui soient plus flexibles et donc qui permettent de frapper des objectifs de manière plus sélective, notamment en évitant la destruction des villes, par exemple, qui, avec les armes mégatoniques ou même d'une puissance de plusieurs centaines de kilotonnes, dans certains cas, seraient très largement affectées par les frappes nucléaires. Est-ce qu'on peut encore, aujourd'hui, penser qu'un jour, une arme nucléaire puisse être utilisée, puisse être employée ? Le risque d'emploi de l'arme nucléaire, il existe. Il existe pour plusieurs raisons. Par rapport à la guerre froide, où quelque part, on a observé une phase d'apprentissage, quelque part, des puissances de ce que c'était que la dissuasion nucléaire, et aussi du caractère révolutionnaire de l'arme nucléaire par rapport aux guerres passées. Donc vous aviez à la fois un souvenir de ce que c'était qu'une guerre totale massive avec les guerres mondiales. Ce souvenir s'est largement dissipé aujourd'hui, où il est très distant. Et vous aviez aussi la prise en compte du facteur nucléaire et des risques que cela engendrait. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des discours et des comportements qui, peut-être, ne reflètent pas assez la prise en compte des spécificités de l'arme nucléaire. On pense à certains discours du côté de la Russie, on pense à certains comportements de la Corée du Nord, mais même des discours du côté du président Trump, si vous voulez, qui reflètent le fait que les décideurs aujourd'hui sont peut-être moins sensibilisés à la grammaire de la dissuasion. Et ça, c'est quelque chose qui peut être préoccupant, parce que vous avez d'un côté un retour des rivalités entre grandes puissances et une moins bonne compréhension des logiques de dissuasion et de la manière dont on peut éviter le pire. Voilà un message final pas très encourageant. Vous y croyez, vous, Dominique Mongin, à l'emploi à nouveau d'armes nucléaires dans un conflit armé ouvert sur des civils ? Évidemment, je n'espère pas l'emploi. Par contre, ce que j'espère, c'est la dissuasion nucléaire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous permet de nous protéger, de protéger ce qu'on appelle nos intérêts vitaux, dans le cas de la France, avec un concept de suffisance, c'est-à-dire pas plus de 300 têtes nucléaires, de pouvoir préserver nos intérêts vitaux face à une menace venant de toutes parts. Et là, juste je renvoie au discours d'hier du président Poutine, très menaçant en direction de l'Europe, et aussi des États-Unis, mais très concrètement en direction de l'Europe, pour montrer à quel point, aujourd'hui, ce qui nous défend, c'est bien la dissuasion nucléaire. C'est difficile de prévoir ce qui peut se passer. Hein. Là, on est passé brutalement à la situation d'aujourd'hui avec des nouveaux types de bombes thermonucléaires, etc. Croire qu'il puisse y avoir une guerre nucléaire, on peut jamais dire qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire. Pour l'instant, c'est effectivement une arme qui permet à un État de s'affirmer. L'exemple de la Corée du Nord est très clair. C'est s'affirmer sur le plan international parce que on possède une arme. Pour la France, comme vient de le dire Dominique Mongin, c'est un peu différent parce que c'est beaucoup plus important. Il y a la triade en France, hein, les trois armes dont on vient de parler. Merci beaucoup à tous les deux. Il n'y en a plus que deux. Bon, ce sera l'objet d'une autre émission. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de cette histoire du projet Manhattan. Merci Joël Poutas, merci Dominique Mongin. Je renvoie à vos ouvrages, Résistance et dissuasion ou Dissuasion et simulation, tous deux chez Odile Jacob. On vous a mis les liens sur le fil Twitter de l'émission. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifiques Éléonore Pérez, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lausanne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique. Dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, demain, ce sera la diffusion du forum L'année vue par les savoirs que nous avons enregistré mardi dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, consacré à l'ère de la démocratie numérique autour des questions de nocivité des algorithmes ou au contraire de leur aspect bénéfique pour la pratique et l'exercice du pouvoir. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.